إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas في شرح كتاب التوحيد, un livre de l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan, Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Alors, de la semaine dernière, durant la semaine dernière, ou la semaine dernière, on avait entamé le chapitre de l'expression « si »« babu maja'a fil law » On avait expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal « yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna » Si nous avons eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, c'est-à-dire les hypocrites, nous n'aurions pas été tués ici, en parlant de la bataille de Uhud. ثم قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Puis الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله cite la parole d'Allah عز وجل dans le verset 168 de sourate Ali Imran, où Allah عز وجل dit selon le sens, ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قالوا لإخوانهم أي قالوا للمسلمين المجاهدين سموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر وقيل إخوانهم في النسب وقعدوا أي عن الجهاد لو أطاعونا أي في القعود ما قتلوا أي كما لم نقتل قل أي لهؤلاء فدرأوا عن أنفسكم الموت أي ادفعوه عنها إن كنتم صادقين أي في أن القعود ينجي منه. Donc l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah cite ce verset de sourat Ali Imran où Allah Azza wa Jal dit selon le sens, ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, ceux qui sont restés dans leur foyer, qui étaient les hypocrites, qui n'ont pas voulu ou ne sont pas partis ou participé à la bataille de Uhud. Ils dirent à leurs frères croyants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui eux sont partis au combat. S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. S'ils nous avaient écoutés, ils ne seraient pas sortis pour participer à la bataille de Uhud. Puis la suite du verset est قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Allah Azza wa Jal dit, c'est-à-dire réponds-leur au Muhammad pour répondre à ces paroles, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Si vous êtes véridique que le fait de rester à la maison et ne pas combattre eh bien suffit pour être épargné de la mort, alors écartez-vous de la mort si vous en avez la capacité, si vous êtes véridique. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes de ce verset. قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ Ils ont dit à leurs frères. C'est-à-dire que les hypocrites ont dit aux musulmans qui sont partis combattre. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a appelé les hypocrites les frères des croyants? Pourquoi? Alors que les hypocrites, ce sont les pires des mécréants. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali min an-nar. Allah Azza wa Jalla dit que les hypocrites seront dans les profondeurs les plus basses de l'enfer, car ils montrent l'islam alors qu'ils cachent en réalité la mécréance. Cheikh Al-Fawzan dit, il y a deux raisons qui peuvent expliquer le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait appelé et dit que les hypocrites étaient les frères des croyants qui sont sortis combattre dans la bataille de Uhud. لموافقتهم في الظاهر car ce sont leurs frères musulmans en apparence car les hypocrites montrent l'islam et cachent là la mécréance donc Allah Azza wa Jalla les a appelés les frères des croyants qui sont sortis combattre parce qu'en apparence ils sont leurs frères وقيل إخوانهم في النسب et d'autres savants ont dit que ce sont leurs frères c'est-à-dire de sang c'est-à-dire ce sont leurs frères dans leur lignée c'est-à-dire que ce sont leurs frères dans leur lignée وقعدوا donc ceux qui sont restés c'est-à-dire qui n'ont pas participé au djihad à la bataille de Uhud notamment لو أطاعونا s'ils nous avaient obéi c'est-à-dire s'ils nous avaient écouté et n'étaient pas sortis combattre ma qutilu ils n'auraient pas été tués de la même façon que nous qui sommes restés chez nous nous n'avons pas été tués qul dit c'est-à-dire dit au Muhammad à ces personnes fadra'u an anfusikum al-maut écartez donc de vous la mort c'est-à-dire repousser la mort in kuntum sadiqin si vous êtes véridique dans le fait que de rester à la maison permet d'être sauvé de la mort. Et on a vu la semaine dernière dans la parole d'Allah Azza wa Jalla yaqulu law kana lana min al-amri shay en l'autre verset de sourate Ali Imran le verset 154 que le fait de rester à la maison et de ne pas sortir combattre n'est pas un moyen d'échapper à la mort et qu'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a décrété qu'une personne allait mourir dans tel endroit, eh bien cela va avoir lieu de façon certaine et que cette personne, quels que soient les moyens qu'elle puisse mettre en œuvre pour éviter de se rendre dans cet endroit, eh bien elle s'y rendra, qu'elle le veuille ou non, et elle mourra dans cet endroit, qu'elle le veuille ou non. المعنى الإجمالي للآية ينكر تعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم فهي أولى بالدفع عنها فإذا لم يقدروا على الدفع عنها فغيرها من باب أولى. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala condamne et reproche aux hypocrites qui ont contredit et qui se sont opposés à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant à ceux qui sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Uhud s'ils avaient écouté nos conseils dans le fait de rester et de ne pas sortir combattre ils n'auraient pas été tués comme nous n'avons pas été tués et Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre en leur disant que s'ils ont la possibilité de repousser le combat pour celui à qui il a été prédestiné. Car ses compagnons qui sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud et les 70 parmi eux qui ont péri dans cette bataille, Allah Azza wa Jal avait décrété qu'ils allaient combattre et qu'ils allaient mourir ce jour-là. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan dit, en expliquant ce verset, qu'Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces hypocrites que s'ils ont la capacité de repousser et d'épargner celui à qui Allah Azza wa Jal avait prédestiné de combattre et de mourir, alors qu'ils repoussent la mort de leur propre personne, alors qu'ils repousse la mort s'ils sont véridiques. Et bien sûr, personne ne peut repousser la mort lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. مناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, le chapitre de ce qui est rapporté dans l'expression « si ». Le contexte de ce verset est que d'utiliser l'expression « si » dans les choses qui ont été prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, que ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Que ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et l'on a vu les détails concernant l'explication ou l'utilisation de l'expression « si » là où en arabe, les contextes dans lesquels elle est, l'expression, l'utilisation de l'expression « si » est autorisée et les autres situations dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette expression. ما يستفاد من الآية التحذير من قول لو على وجه المعارضة للقدر والتأسف على المصائب ثانيا أن مقتضى الإيمان الاستسلام للقضاء والقدر وأن عدم الاستسلام له من صفات المنافقين ثالثا مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهل الباطل لإبطال شبههم ودحض أباطلهم. Ce que l'on retient de ce verset, trois choses. La première, la mise en garde et l'interdiction d'utiliser l'expression « si » dans le but de contredire la destinée et pour montrer son remords et pour montrer ses remords suite à une catastrophe qui le touche. Est-ce que c'est clair? Donc si, on n'utilise pas le terme, l'expression « si » pour contredire et pour montrer sa non-acceptation de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné. Si j'avais fait telle et telle chose, il ne me serait pas arrivé telle et telle chose. Tu dis cela pour montrer ton opposition à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné. Ou tu dis cela pour montrer ton remords et pour montrer la douleur et l'immense chagrin que tu as lorsque ce mal t'a touché. Deuxièmement, que parmi les implications de la foi, le fait de se soumettre et d'accepter totalement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestinés. Et le fait de ne pas se soumettre entièrement à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et au décret d'Allah, que ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et la croyance à la prédestination et au décret d'Allah azza wa jal fait partie des piliers de la foi. La troisième chose que l'on retient de ce verset, qu'il est légiféré de débattre et de polémiquer avec les hypocrites et autres que les hypocrites parmi les gens du faux. Ceci, c'est-à-dire débattre avec eux dans le but d'anéantir leurs ambiguïtés et dans le but d'éradiquer leurs faux. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Puis l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, cite le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ihris ala ma yanfa'uk »« Recherche ce qui t'est bénéfique »« Wasta'im billah » »« Et demande l'aide d'Allah »« Wa la ta'jazan » »« Et ne te démotive pas » Si quelque chose t'arrive, ne dis pas, si j'avais fait cela, il se serait produit telle et telle chose. Mais dis plutôt, qadarullahi wa ma sha'a fa'al. C'est Allah qui prédestine et il fait ce qu'il veut. Car si donne l'occasion au diable d'agir. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ قَالَ شَيْخُ الْفَوْزَانِ حَفِظَهُ اللَّهُ فِي الصَّحِيحِ أي في صحيح مسلم إحرص الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع على ما ينفعك يعني معاشك ومعادك واستعن بالله أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره ولا تعجزن بكسر الجيم وفتحها أي لا تفرط في طلب ما ينفعك متكلا على القدر ومستسلما للعجز والكسل وإن أصابك شيء أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة فلا تقل لو أني فعلت كذا أي فإن هذا القول لا يجدي عليك شيئا ولكن قل قدر الله أي لأن ما قدره لا بد أن يكون والواجب التسليم للمقدور فإن لو تفتح عمل الشيطان أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر. الشيخ الفوزان حفظه الله explique les différents termes de ce hadith dans le sahih, c'est-à-dire dans le sahih de l'imam Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit recherche, ici al-hirs en arabe, c'est-à-dire de faire tous les efforts possibles. Recherche, c'est-à-dire fais tous les efforts possibles pour obtenir ce qui t'est bénéfique. Ala ma yanfa'uk, de ce qui t'est bénéfique dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wasta'in billah, et demande l'aide d'Allah, c'est-à-dire demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de tes situations et ne demande pas l'aide d'autre qu'Allah. Wala ta'jazan, il est autorisé de dire wala ta'jizan ou wala ta'jazan. Les deux sont autorisés dans la langue arabe. C'est-à-dire ne te démotive pas. C'est-à-dire, ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent dans la recherche de ce qui t'est bénéfique. Comment être négligent? Soit en te reposant sur la prédestinée et en te laissant aller et en faisant preuve de fainéantise et d'incapacité. Car ici, le professeur Hassan nous dit recherche ce qui t'est bénéfique. On a dit que rechercher, ici, al-hirs, c'est-à-dire de faire tous les efforts possibles pour obtenir ce qui t'est bénéfique. Et le prophète nous interdit de faire preuve de démotivation, c'est-à-dire de s'en remettre totalement à la prédestinée d'Allah Azzawajal sans faire les causes. Sans faire les causes, en disant de toute façon, moi, comme l'a dit le professeur sallam, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Qu'une âme ne mourra que lorsqu'elle aura obtenu la totalité de la pourvoyance qu'Allah azza wa jalla lui avait prédestinée, et elle ne mourra que lorsque son terme, le terme de sa vie, arrivera à échéance. Donc une personne peut dire, voilà, le professeur Hassan m'a dit cela, donc moi, je me laisse aller et je sais que de toute façon, la pourvoyance va arriver à moi. Ceci est une façon erronée de comprendre la prédestination, car le professeur Hassan, dans l'autre hadith, a dit, « I'amalu fakullun muyassarun lima qudira lah » œuvrez, car chacun sera facilité vers ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a prédestiné. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'œuvrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il combattait, par exemple, est-ce qu'il se protégeait ou pas? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des armures? Est-ce qu'il utilisait des boucliers? Oui, donc il mettait mettait en œuvre les moyens qui lui permettent de le protéger. Alors que si Allah Azzawajal avait prédestiné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être blessé, il serait blessé, qu'il soit protégé ou non. Mais le fait de mettre en œuvre les causes fait partie de la croyance en la prédestination. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de nous laisser aller et de ne pas faire les efforts nécessaires pour obtenir ce qui nous est bénéfique, tant dans notre vie d'ici-bas, dans notre vie mondaine, que dans la vie de l'au-delà. Et si quelque chose t'arrive, c'est-à-dire si malgré avoir mis en œuvre, si malgré avoir fait tous les efforts possibles pour arriver à un but, mais que tu n'atteignes pas ce but et que la situation a été plus forte que toi, فلا تقول لو أني فعلت كذا. Alors ne dis pas si j'avais fait cela, car le fait de dire cette parole ne t'apportera rien. Le fait de dire si j'avais fait cela et cela, est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Non, car ce qui devait avoir lieu a eu lieu. Donc de dire si j'avais fait ceci et cela, cela ne t'apporte aucun bénéfice. ولكن قل قدر الله. Mais dis plutôt c'est Allah qui prédestine, que c'est la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce qu'Allah azza wa jalla a prédestiné a obligatoirement lieu et a lieu sans aucun doute, et ce qui est demandé est de se soumettre à cette prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'accepter. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Car si, l'expression si, donne l'occasion au diable d'agir. Donne l'occasion au diable d'agir, notamment car le fait d'utiliser l'expression si montre tout d'abord un remords. Également montre un regret. Le fait d'utiliser l'expression « si » montre également une tristesse. Et tout ceci, tout ce sens, tous ces sens de remords, de tristesse et de regret vont amener à s'opposer et à ne pas accepter le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera alors une porte que tu auras ouverte au diable pour te faire tomber dans l'interdit. Donc, de ne pas utiliser l'expression si, mais de dire qadarullahi wa ma sha'a fa'al, cela va te permettre d'accepter ce qu'Allah azza wa jalla t'a prédestiné, et cela va te permettre également de fermer toutes les portes au diable, notamment dans ces moments dans lesquels l'être humain est souvent faible et il a besoin d'une foi forte pour faire face à ce mal ou à cette catastrophe qui le touche. المعنى الإجمالي للحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالحرص على النافع من الأعمال والاستعانة بالله في القيام بها وترقب ثمراتها وينهى عن العجز لأنه ينافي الحرص على ما ينفع ولما كان الإنسان معرضا للمصائب في هذه الدنيا أمر بالصبر والتحمل وعدم التلوم بقولي لو أنني فعلت لو أنني تركت لأن ذلك لا يجدي شيئا مع أنه يفتح على الإنسان ثغرة لعدوه الشيطان يدخل عليه منها فيحزنه. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne dans ce hadith de faire tous les efforts possibles pour accomplir les actions bénéfiques et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ses actes et d'espérer et d'avoir en tête les fruits que et les bénéfices que vont apporter ces actes que tu accomplis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de nous laisser aller, car le fait d'être démotivé et de se laisser aller et de ne pas faire les causes, eh bien, contredit cette demande de faire des efforts que nous ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que l'être humain est exposé aux catastrophes et aux situations douloureuses dans cette vie d'ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire preuve de patience et de supporter le mal qui nous touche et de ne pas être pris de remords en disant « si j'avais fait telle et telle chose » ou « si j'avais délaissé telle et telle chose » car cette parole n'apportera rien. Et en plus, l'être humain, en disant cette parole, eh bien, donne une issue à son ennemi, le diable, pour entrer et lui faire accroître la tristesse qu'il a. مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب وبيان ما يترتب على قولها من المفسدة. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, باب ما جاء في اللو, qu'il y a dans ce hadith l'interdiction d'utiliser l'expression si lorsque un mal nous touche. Et il y a également dans ce hadith l'explication des conséquences néfastes qui peuvent découler de cette parole, notamment en ouvrant la porte au diable, qui est le pire de nos ennemis. ما يستفاد من الحديث أولا الحث على الاجتهاد في طلب النفع العاجل والآجل ببذل أسبابه. On retient de ce hadith plusieurs choses. La première, l'encouragement à faire des efforts pour obtenir les choses bénéfiques dans l'immédiat et les choses bénéfiques dans un délai plus lointain. Notamment, ici, Cheikh Al-Fawzan parle des bénéfices immédiats qui sont les bénéfices dont tu profites et dont tu jouis dans cette vie d'ici-bas. Et devrait ici-bas pour récolter les fruits dans l'au-delà. ثانيا وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة والنهي عن الاعتماد على الحول والقوة. Deuxièmement, l'obligation de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir ses actes bénéfiques et l'interdiction de s'en remettre uniquement à sa force et à sa capacité. Et cela, on l'avait traité dans un chapitre antérieur de Kitab al-Tawhid. ثالثا النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب. Troisièmement, l'interdiction d'être démotivé et l'interdiction de couper court aux causes et à la mise en application des causes qui te permettent de bénéficier de différentes bonnes choses. Rabi'an, إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بذل الأسباب والسعي في طلب الخيرات. Quatrièmement, on tient de ce hadith le fait d'attester et de croire en la prédestination et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la prédestination ne contredit pas le fait de mettre en application les causes et ne contredit pas le fait de faire des efforts pour obtenir les bonnes choses. Donc il n'y a aucune contradiction dans cela. Au contraire, le fait de faire les causes fait partie de la prédestination et de la croyance en la prédestination. خامسا وجوب الصبر عند نزول المصائب. Cinquièmement, l'obligation de faire preuve de patience lorsque des catastrophes nous touchent. Sadisan, annahyu an qawli law ala wajhi at-tasakhkhut 'inda nuzul al-masa'ib wa bayan mafsadatiha. Sixièmement, l'interdiction de dire si dans le but de montrer son désaccord face à un mal qui nous touche et l'explication des conséquences néfastes qui en découlent. Sabi'an, at-tahdhir min kayd ash-shaytan. Septièmement, le retient de ce hadith, le fait de faire attention aux ruses du diable, car le fait d'utiliser l'expression « si » lorsqu'un mal nous touche dans le but de montrer notre désaccord et dans le but de montrer nos regrets et nos remords, eh bien, cela est une des ruses du diable qu'il utilise pour te faire tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. Le chapitre de l'interdiction d'insulter le vent. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. Le chapitre de l'interdiction d'insulter le vent. Selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent, et lorsque vous voyez ce qui ne vous plaît pas, alors dites, ou lorsque vous voyez ce que vous détestez, dites alors, ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent, le bien qu'il contient, wa khayri ma fiha, et le bien découlant de l'ordre qui lui a été donné, de l'ordre qui a été donné au vent. L'ordre qui a été donné par qui? Par Allah Azza wa Jal. Et nous te demandons la protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient et le mal qui découle de l'ordre qui lui a été donné. Hadith authentifié par l'imam At-Tirmidhi. Qala Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid, anna sabb al-rih sabb limudabbiriha, wa huwa Allah ta'ala, liannaha tajri bi-amrih, fasabbuha mukhillun bil-tawhid. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Pourquoi l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a-t-il cité ce chapitre de l'interdiction d'insulter le vent dans le livre du Tawhid qui parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le contexte est que le fait d'insulter le vent revient à insulter celui qui gère et qui administre ce vent qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Car le vent avance par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Insulter donc le vent est un manquement dans le tawhid. At-Tarajim. Ubay, huwa Ubay ibn Ka'b ibn Qays al-Ansari, Sayyid al-Qurra, Shahid al-Aqaba wa Badran wa al-Mashahid kullaha, qila mata fi khilafati Umar, وقيل في خلافة عثمان سنة 30 رضي الله عنه. لا تسبوا الريح أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها. فإذا رأيتم ما تكرهون أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها. فقولوا اللهم إلى آخره رجوع إلى خالقها ومدبرها بسؤاله خيرها ودفع شرها. Puis Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, dit les biographies. Ici, notamment, أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. أبي ابن كعب ابن قيس ابن قيس الأنصاري qui est le maître des lecteurs. Le maître des lecteurs, c'est-à-dire des lecteurs du Coran. Ubay ibn Ka'b, radiallahu anh, qui était, huwa aqra'u as-sahaba li kitabillah. Ubay ibn Ka'b, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lisait le mieux le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Ubay ibn Ka'b, lis-moi du Coran. Et Ubay a dit, ô envoyé d'Allah, je vais le lire sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime l'entendre d'autres que moi. Et Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu a lu sourate An-Nisa jusqu'à être arrivé à la parole d'Allah Azza wa Jal, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Jusqu'à atteindre la parole d'Allah Azza wa Jal, et comment seras-tu, et comment seras-tu lorsque l'on apportera pour chaque communauté un témoin, et nous t'apporterons comme témoin contre eux, contre eux, sa communauté sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui n'ont pas cru en lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur dit à Ubay, hasbuk, hasbuk, c'est-à-dire arrête-toi, arrête-toi, cela suffit, cela suffit. Et Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Donc Ubay ibn Ka'b est le compagnon qui maîtrisait et qui lisait le mieux le Coran. Il a participé à Al-Aqabah. Il a participé également à la bataille de Badr et à toutes les expéditions qui ont eu lieu. Il a été dit qu'il est décédé, radiyallahu anhu, durant le calife de Omar ibn al-Khattab. Et d'autres ont dit qu'il est mort durant le calife de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ceci en l'an 30 de l'Hégire, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne, n'insultez pas le vent, c'est-à-dire ne l'injuriez pas, ne le maudissez pas lorsque un mal vous touche par sa cause, par la cause du vent. Et si vous voyez ce que vous détestez, c'est-à-dire si vous voyez et si vous constatez des choses qui ne vous plaisent pas dans le vent, soit lorsque ce vent est trop chaud, ou lorsqu'il est trop froid, ou lorsque le vent est violent et fort. Lorsque vous voyez ce que vous détestez, donc lorsque vous subissez les conséquences de ce vent, notamment lorsque c'est un vent fort, lorsque ce vent détruit certains de vos biens, ou lorsqu'il arrache vos arbres, ou lorsqu'il cause la destruction de vos demeures. Lorsque vous constatez que le vent, de par sa cause, des choses que vous détestez vous ont touché, le professeur Hassam dit, فَقُولُوا Allahumma, dites, ô Allah, jusqu'à la fin de cette invocation. Et cette invocation nous montre que le musulman se doit de revenir vers son créateur, vers le créateur du vent, vers le commandant du vent, en demandant à Allah Azza wa Jal le bien de ce vent et en demandant à Allah Azza wa Jal de nous épargner du mal de ce vent. Al-ma'na al-ijmali wa lil-hadith yanha sallallahu alayhi wa sallam an sabb ar-rih li'annaha makhluqatun ma'muratun min Allah fasabbuha sabbun lillah wa tasakhutun liqada'ih ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذة به من شرها لما في ذلك من العبودية لله تعالى وذلك هو حال أهل التوحيد. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'insulter le vent, car le vent est créé et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait donc d'insulter le vent revient à insulter Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une forme de désaccord face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de revenir vers le créateur du vent en lui demandant subhanahu wa ta'ala le bien de ce vent et en lui demandant et en demandant sa protection contre le mal de ce vent. Car dans cela, il y a l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela montre que l'on se soumet à notre Créateur subhanahu wa ta'ala et que c'est vers lui que nous nous dirigeons lorsque nous avons un besoin. Et ceci et ainsi sont les gens du tawhid. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن سب الريح. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith l'interdiction formelle d'insulter le vent. ما يستفاد من الحديث النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر فيرجع السب إلى خالقها ومدبرها. ثانيا الرجوع إلى الله والاستعاذة به من شر ما خلق. ثالثا أن الريح تكون مأمورة بالخير وتكون مأمورة بالشر. رابعا الإرشاد إلى الكلام النافع فإذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره. الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره. Ce que l'on retient du hadith. Premièrement, l'interdiction d'insulter le vent, car le vent est une créature qui est commandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait donc de l'insulter revient à insulter son créateur et son administrateur. Deuxièmement, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de demander la protection d'Allah azza wa jal contre le mal de ce qu'il a créé. Troisièmement, que le vent peut être ordonné pour apporter un bien comme pour apporter un mal. Et notamment le vent peut être un châtiment. Et Allah Azza wa Jal a exterminé des peuples par la force du vent, notamment le peuple de Aad, le peuple de Hud, qui ont été exterminés par un vent violent. Quatrièmement, le fait de dire des bonnes paroles et des paroles bénéfiques lorsque l'on voit des choses que l'on déteste. De dire des paroles bénéfiques lorsque l'on voit des choses que l'on déteste afin d'être prémuni du mal de cette chose que l'on déteste. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela, c'est l'invocation à Allah azza wa jal qui va nous permettre d'être épargnés de ce mal. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Puis l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله entame le chapitre de la parole d'Allah عز وجل dans le verset 154 de sourate Ali Imran. Tandis qu'une autre partie avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité, dignes de l'époque de l'ignorance. Ils disaient, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit l'affaire tout entière appartient à Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الشيخ الفوزان دي et la suite du verset est la parole d'Allah Azzawajal selon le sens, ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dis, si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que renferment vos poitrines, à savoir vos cœurs. Donc ici, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, cite le verset 154 de Surat Ali Imran, que l'on avait déjà expliqué dans le chapitre de l'expression « si ». Et ici, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, cite ce même verset, non plus pour parler de l'expression « si », mais pour parler du bon soupçon que le musulman doit avoir et de la bonne pensée que le musulman doit avoir envers Allah Azzawajal et l'interdiction d'avoir le mauvais soupçon ou d'avoir des mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Le contexte est d'alerter sur le fait que d'avoir le bon soupçon en Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir une bonne pensée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des obligations du tawhid, et que le fait d'avoir le mauvais soupçon et la mauvaise pensée sur Allah azza wa jal contredit le tawhid. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes de ce verset. يظنون أي المنافقون والظن في الأصل خلاف اليقين غير الحق أي غير الظن الحق ظن الجاهلية بدل من غير الحق أي الظن المنسوب إلى أهل الجهل حيث اعتقدوا أن الله لا ينصر رسوله والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام يقولون بدل من يظنون هل لنا من الأمر شيء هل لنا من الأمر من شيء استفهام بمعنى النفي أي ما لنا من النصر والظفر نصيب قط أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء بل الأمر كله لله فهو الذي لا راد لما شاءه ولا فلا نعم بل الأمر كله لله فهو الذي لا راد لما شاءه وأراده يخفون في أنفسهم أي من الإنكار والتكذيب ما لا يبدون لك أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد وبقية المفردات تقدم شرحها في باب ما جاء في اللو. Dans la parole d'Allah Azzawajal, tandis qu'une autre partie avait des pensées sur Allah non conformes. Tandis qu'une autre partie, c'est-à-dire les hypocrites, qui avaient des mauvaises pensées. وَالظَّنُّ فِي الْأَصْلِ خِلَافُ الْيَقِينِ Et الظَّن, le soupçon, dans la langue arabe, c'est le contraire de la certitude. Donc le fait que ces hypocrites avaient le mauvais soupçon à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra ce qu'est ce mauvais soupçon qu'ils avaient. Ghayr al-haq, non conforme à la vérité. C'est-à-dire que leur soupçon n'était pas conforme à la vérité et n'était en rien la vérité. Dhann al-jahiliya, digne de l'époque de l'ignorance. C'est-à-dire que ces hypocrites avaient le mauvais soupçon en Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant qu'Allah azza wa jal n'allait pas donner victoire à son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ici, toujours dans, et le contexte ici est toujours la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, notamment lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris en compte, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris en compte leur avis, à savoir de ne pas combattre, mais de rester, eh bien, ils n'auraient pas été tués. Pourquoi est-ce qu'ils ont suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas combattre? Car ils avaient le mauvais soupçon à l'égard d'Allah azza wa jal et pensaient qu'Allah azza wa jal n'allait pas donner victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'allait pas le soutenir. هل لنا من الأمر شيء؟ Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Ceci est une question qui, en réalité, est une négation. C'est-à-dire que nous n'avons aucune part de victoire dans cela. Ou l'autre sens est, c'est-à-dire qu'il nous a été interdit ou il nous a été empêché de prendre une quelconque décision sur le fait de combattre ou non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris en compte leurs suggestions. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Dit, l'affaire tout entière appartient à Allah. C'est-à-dire que ce n'est ni à vous, ni à autre que vous d'avoir une part dans cette affaire. Mais la part tout entière de cette affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jalla est le seul dont ce qu'il veut et ce qu'il décide ne peut être repoussé. Yukhfuna fi anfusihim. Ils cachent en eux-mêmes. C'est-à-dire, ils cachent en eux-mêmes le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision que tu as pris de combattre. Ma la yubduna lak. Ma la yubduna lak. Ce qu'ils ne te révèlent pas. Et qu'est-ce qu'ils révélaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'ils montraient en apparence? Ils lui montraient la foi et le fait qu'il conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il prodiguait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de bons conseils. Or, le fait de rester et de ne pas combattre, pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Pour éviter la mort, et ceci poussé par le mauvais soupçon vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Al-Fawzan dit que le reste de ce verset a été expliqué dans le chapitre précédent. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد أنهم ظنوا بالله الظن الباطل وأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق وأنه لا راد لقضائه. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce qui a eu lieu avec les hypocrites le jour de la bataille de Uhud, lorsqu'ils ont eu le mauvais soupçon à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir qu'Allah azawajal n'allait pas donner victoire à son prophète et que le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait disparaître et que la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait disparaître. Et que s'ils avaient la possibilité de décider, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons les avaient suivis et les avaient écoutés, eh bien, ils n'auraient pas subi de pertes humaines et ils auraient pu être victorieux. Allah Azza wa Jal a démenti cette parole et a démenti ce mauvais soupçon et a montré que nul ne peut que ce qui a lieu ne peut avoir lieu que par la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et que rien ne peut repousser la prédestination d'Allah azza wa jal. Ma yustafadu min al-aya anna man dhanna anna Allah yudilu al-batil ala al-haq idalatan mustamiratan yadmahillu ma'aha al-haq idmihlalan la yaqumu ba'dahu faqad dhanna billahi ghayra al-haq dhanna al-jahiliyah. ثانيا إثبات الحكمة فيما يجريه الله من ظهور الباطل أحيانا. ثالثا بيان خبث طوية المنافقين وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق. رابعا إثبات القضاء والقدر. خامسا وجوب تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه. سادسا وجوب حسن الظن بالله. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, que celui qui pense qu'Allah Azzawajal accorde la domination et la suprématie au mal face à la vérité, une domination perpétuelle qui fait en sorte que la vérité disparaisse, eh bien celui qui pense cela a eu le mauvais soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car les hypocrites pensaient, ont eu le mauvais soupçon, dans le fait que Allah azza wa jalla n'allait pas donner victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à cause de la défaite que subiront le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons lors de cette bataille de Uhud, que cela allait être la cause de la disparition de l'islam. Celui qui a une pensée comme celle-ci, à savoir qu'Allah Azzawajal donne le dessus au faux sur le vrai de façon continuelle, au point que le vrai disparaisse, que cela est un mauvais soupçon envers Allah Azzawajal, car Allah Azzawajal a promis que l'islam allait avoir la suprématie et que la parole d'Allah Azzawajal allait avoir le dessus sur toute autre parole. Deuxièmement, le fait que il y a une sagesse divine dans le fait que Allah Azza wa Jal fasse prédominer le faux sur le vrai parfois. Car lors de la bataille de Uhud, qui a gagné la bataille? Les polythéistes qui ont eu le dessus sur les musulmans. Donc les musulmans ont subi une défaite. Le polythéisme a eu dans cette bataille de Uhud le dessus sur les musulmans. Mais ceci était ponctuel. Ceci était ponctuel et ceci de par une sagesse divine. Et Allah Azza wa Jal nous cite cette sagesse dans ce verset de Sourate Ali Imran. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ afin qu'Allah Azza wa Jal éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines et afin qu'il purifie ce qu'il y a dans vos cœurs. Et celui qui connaît l'histoire de la bataille de Uhud que les savants ont déduit que cette défaite qui a été infligée aux musulmans était la cause de la cause en était la désobéissance des archers à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Troisièmement, l'on retient de ce verset le mauvais caractère qu'avaient les hypocrites et que dans les situations difficiles, eh bien, apparaît l'hypocrisie qu'ils cachent. Quatrièmement, on retient de ce verset la croyance et l'attestation en la prédestination et au décret d'Allah Azzawajal. Cinquièmement, l'obligation d'exempter Allah Azzawajal de ce qui ne convient pas à Allah Azzawajal, notamment de penser qu'Allah Azzawajal n'allait pas donner victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah Azzawajal allait faire en sorte que à travers cette défaite, eh bien, que l'islam et la vérité allaient disparaître. Et sixièmement, le retient de ce verset, l'obligation d'avoir le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. On actafi bihada al-qadr, on wasil kitab Taysir al-Allam. Donc, on continue avec l'explication de Taysir al-Allam, inshallah ta'ala.